À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu des messages et lettres de félicitations de la part des secrétaires généraux du comité central du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie, du comité central du Mouvement populaire de libération d'Angola, de la Fédération des travailleurs libanais et autres chefs de parti, des personnalités de haut rang des milieux politiques, sociaux et économiques de divers pays comme Russie, Chine, Mongolie, Népal, Pakistan, Grande-Bretagne, Iran, Norvège, États-Unis, Suède, Afrique du Sud, Mexique et Brésil, ainsi que des représentants et délégués des institutions internationales et des organisations d'études des étudiants et formations d'amitié et de soutien à la réunification coréenne. Les destinataires ont souligné que ces exploits exceptionnels accomplis pour la patrie, le peuple et l'émancipation du monde durant toute sa vie resteront toujours dans le cœur de l'humanité progressiste. Ils se sont montrés convaincus que sous la conduite éminente du dirigeant suprême Kim Jong-un, le Parti du Travail et le peuple coréen remporteront de grands succès dans la lutte pour la réunification du pays et la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste. Par ailleurs, à la même occasion, le comité central du Parti du Travail de Corée a reçu un message de félicitations de la part du comité central du Parti du Peuple du Cambodge.